C'est l'un des nombreux paradoxes de notre époque contemporaine. Pourquoi faisons-nous donc tant d'efforts pour dissimuler nos odeurs corporelles alors qu'elles ont été sélectionnées par des siècles d'évolution et que toutes les études à ce sujet montrent qu'elles jouent un rôle important à différents niveaux, dans les interactions sociales et les processus de séduction bien sûr, mais aussi dans les rapports entre membres d'une même famille, dans le lien entre une mère et son bébé, ainsi que dans la détection à des stades très précoces de certaines maladies qui les modifient. Plus aucune hésitation, que vivent nos odeurs. Odeurs corporelles, ne baissons pas les bras, c'est le programme capiteux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour participer à cette grande entreprise de réhabilitation et détailler les raisons pour lesquelles nous sentons plus à certains endroits qu'à d'autres et comment tout cela est décrypté de notre nez jusqu'à notre cerveau, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en duplex depuis le bureau de Radio France à Lyon, Camille Ferdensi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse CNRS au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon et ici à la Maison de la Radio à Paris. Jérôme Golébiowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut de Chimie de Nice, directeur du groupement de recherche odorant, odeur, olfaction au CNRS. Mais pour commencer, elle parfume chaque jour l'actualité scientifique d'une fragrance inégalée. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec un premier test clinique aux États-Unis. L'outil d'édition génétique CRISPR-Cas9 est utilisé pour traiter des cancers. Et des chercheurs de Philadelphie sont en train de tester s'il est possible de booster les cellules immunitaires des malades du cancer. Ils ont prélevé les lymphocytes T de 3 patients, respectivement atteints de myélome multiple et d'un sarcome. Avec CRISPR-Cas9, ils ont ciblé 4 gènes de ces lymphocytes T pour leur permettre de reconnaître plus efficacement les cellules tumorales. Ils ont ensuite réinjecté ces lymphocytes. Les résultats viennent de paraître dans la revue US National Library of Medicine. L'état de l'un des patients est resté stable, l'état du second s'est empiré, et il est encore trop tôt pour se prononcer pour le troisième. Marie Casté, chercheuse INSERM et dirige une équipe au Centre de Recherche de Cancérologie de Lyon, elle parle d'une immunothérapie génie. Effectivement, c'est un peu la nouveauté dans ces techniques, c'est qu'ils ont fait 4 modifications simultanées. En fait, quand un lymphocyte T doit éliminer une cellule qui est devenue anormale dans l'organisme, donc typiquement une cellule tumorale, cela passe par une reconnaissance entre des récepteurs qui expriment ce lymphocyte T et des étiquettes, des antigènes qui sont présentes à la surface des cellules tumorales. Et c'est ce jeu de reconnaissance entre les récepteurs du lymphocyte T et les antigènes des cellules tumorales qui conduit ou pas à l'activation du lymphocyte T et du système immunitaire et à l'élimination des cellules anormales. Ce qu'ils ont fait du coup, c'est d'une part de modifier génétiquement les lymphocytes T pour qu'ils expriment un récepteur beaucoup plus puissant et beaucoup plus affin pour les antigènes tumoraux. Donc ils ont augmenté la possibilité pour ces lymphocytes T de reconnaître les cellules tumorales. Et en parallèle, ils ont diminué, grâce à la technique de CRISPR-Cas9, tous les gènes qui, au contraire, bloquent la capacité de ce lymphocyte T à éliminer les cellules tumorales, puisque la cellule tumorale, elle, a la possibilité d'exprimer des étiquettes qui vont endormir en fait le lymphocyte T. Et ce qu'ils ont modifié dans ces lymphocytes T, c'est tous les récepteurs qui reconnaissent ces étiquettes qui finalement les endorment en faisant croire aux lymphocytes T que les cellules tumorales sont des cellules normales. Donc effectivement, c'est tout à fait une immunothérapie génique. Et on passe au bref. Dans PNAS, les physiciens viennent de déterminer la taille limite d'une particule de glace. Quelle taille peut avoir une gouttelette avant de se stabiliser en glace? Pour résoudre ce problème du refroidissement de l'eau et pour démêler les interactions qui agissent sur la transition glace-liquide, les chercheurs de l'université de l'Utah ont mené une analyse expérimentale avec un mélange d'eau et d'argon progressivement refroidi. Ils ont analysé les signatures spectroscopiques infrarouges. Résultat, la plus petite nanogoutte d'eau dans laquelle la glace peut se former ne représente pas plus de 90 molécules d'eau, soit un dixième de la taille du plus petit virus. Dans une nouvelle image du télescope spatial Hubble, une galaxie lointaine apparaît 12 fois en une seule image. On voit 12 fois la galaxie de l'arc de Sunburst qui est à 11 milliards d'années-lumière de la Terre. L'image a été multipliée par un effet de lentille gravitationnelle provoqué par l'énorme masse d'un amas de galaxies qui se trouve à 4,6 milliards d'années-lumière de nous et qui plie la lumière de la galaxie derrière elle. Cette loupe cosmique permet aux astronautes d'observer des objets très lointains et en l'occurrence ici de déterminer la fraction de photons ultraviolets qui s'échappent dans le milieu intergalactique. La façon dont les photons s'échappent de l'arc de Sunburst, cela va nous aider à mieux comprendre les premiers âges du cosmos, celui de la rayonisation de l'univers qui a commencé 150 millions d'années seulement après le Big Bang. Les détails de l'étude sont à lire dans la revue Science. Et selon une pré-étude parue dans BioArchive, les bébés ont moins peur quand ils peuvent sentir l'odeur de leur mère. Et des neuroscientifiques allemands ont mené une expérience avec 76 nourrissons de 7 mois. Ils devaient regarder des images, des visages joyeux ou des visages terrifiés, hein, ce qui, on le sait, effraie les bébés. Et ce qui produit une activité électrique spécifique dans le cerveau. Cette activité électrique a été mesurée. Les bébés qui avaient avec eux un t-shirt imbibé de l'odeur de leur mère ne manifestaient pas de peur. L'équipe veut reproduire la même expérience avec l'odeur paternelle. Et puis un mot rapide pour vous dire que c'est aujourd'hui, en ce moment même, que la planète Mercure passe devant le Soleil. Oui, en ce moment même, en France, hein, jusqu'à 17h, jusqu'à la fin de l'émission, vous pouvez observer un minuscule point noir traverser le Soleil, soit avec des lunettes astronomiques équipées de filtres solaires, soit en direct du site de l'Observatoire de Paris. Voilà, on vous met bien sûr la vidéo en direct où on peut voir le transit de Mercure devant le Soleil sur notre fil Twitter @lametofc, fil que vous pouvez retrouver également sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Une fois n'est pas coutume, un petit mot justement l'un et l'autre sur cette étude, cette pré-étude plus exactement publiée dans BioArchive sur les bébés et le mécanisme de peur quand ils sentent justement l'odeur de leur mère. Jérôme Golubiowski. Oui, je pense que ça illustre bien le rapport intime entre la perception des odeurs et la gestion des émotions, et que dès le plus jeune âge, les bébés sont clairement capables de reconnaître l'odeur de leur mère, et ça va avoir un effet direct sur des zones du cerveau qui sont directement en lien avec l'émotion et notamment l'émotion positive. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait crédible, en tout cas sur les activités qui ont été mises en avant. Oui. Camille Ferdinandi, il y a plusieurs études qui vont dans ce sens et qui montrent qu'il y a un lien dans les premières semaines, les premiers mois de vie très très fort, un lien olfactif très fort entre les mères et le bébé, le nouveau-né, qu'elles peuvent les reconnaître même juste à leur simple odeur sans avoir besoin de stimulus visuel. Oui, tout à fait. L'olfaction chez les petits-enfants est très très bien développée. Hein. Ils apprennent des odeurs dès la vie fœtale même. Donc c'est un système qui fonctionne très bien. Et on sait effectivement qu'il y a une compétence de reconnaissance de la part des bébés envers l'odeur de leurs parents, de leur mère notamment. Et inversement, les mères ont de très bonnes capacités de reconnaissance de l'odeur de leur bébé également. Et on sait aussi la valeur de régulation émotionnelle que véhiculent ces odeurs. Ça a pu être vérifié à plusieurs âges chez les enfants, mais il y a une vraie valeur de réconfort qui est apportée par ces odeurs familières. Ce sont des odeurs très familières auxquelles les petits sont très exposés. J'ai lu également que dans le sens inverse, l'odeur d'un nouveau-né provoque la chaîne de réaction de rétribution et du plaisir chez les adultes. C'est vrai ça, Camille Ferdinandi? Oui, c'est vrai. Il y a une étude qui va dans ce sens, donc qui se base sur le... Donc on collecte l'odeur des bébés sur des bodys, par exemple, que les enfants ont portés. Et on fait sentir ces odeurs-là à leur mère, qui sont placées dans une IRM afin d'examiner les activités cérébrales en réponse à ces odeurs. Et on observe que lorsque c'est l'odeur de leur propre enfant, les mères ont une activité plus importante dans les zones qui sont habituellement recrutées, dans tout ce qui est stimuli, le réseau de la récompense en fait, donc qui sont le putamen et le noyau codé notamment, les aires cérébrales habituellement impliquées là-dedans. Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et serions-nous donc tous en train de perdre l'odorat à force d'hygiénisme, à grand renfort de parfums, de déodorants, serions-nous collectivement en train de nous priver de notre sensibilité aux odeurs corporelles? Ces odeurs qui jouent pourtant un rôle essentiel, hein, on vient de l'entendre, dans l'interaction sociale, qui peuvent nous renseigner sur l'état de santé, sur l'état de stress, de peur ou de désir d'autrui. Ces odeurs qui nous font tourner la tête dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, ces odeurs dont la traduction physio-neuronale met en jeu jusqu'à 5% de notre génome et un système d'analyse autrement plus fin et sophistiqué que la vue, on va en parler dans un instant. Pourquoi nous en défions-nous autant? Ces odeurs qui sont d'ailleurs si difficilement descriptibles par le langage, comme l'explique notre archive du jour. Nous sommes sur France Culture en mars 1979. Les odeurs sont quelque chose qui sont du domaine affectif. Comme tout ce qui est affectif, les odeurs obéissent à cet égard à une loi du tout ou rien. C'est-à-dire que, pourvu que les odeurs atteignent, soient perçues avec une intensité suffisante, elles évoqueront certainement et sans difficulté une impression de bon ou de mauvais, et il est finalement bien rare qu'une odeur nous laisse indifférents. S'il est très facile et, disons, presque immédiate d'attribuer à une odeur cette qualité agréable ou désagréable, il est déjà beaucoup plus difficile de la nommer et encore plus difficile de la décrire. Nous avons l'habitude, par peut-être une solution de facilité, de nommer les odeurs d'après leur source. On dit une odeur de café, une odeur de terre, une odeur de chien mouillé. C'est assez pratique et assez évocateur. Mais il est très difficile de décrire une odeur et pratiquement on ne dépasse pas le stade des analogies élémentaires, c'est-à-dire que on dit une odeur qui ressemble à quelque chose, une odeur de peinture avec une note de brûlé dedans, ou vous voyez des expressions de ce type qui se servent d'analogies mais qui n'atteignent pas le niveau d'abstraction auquel on est habitué dans le langage humain. Et ceci distingue certainement l'univers olfactif des autres univers sensoriels. Voilà notre archive du jour, c'est vrai ça, Camille Ferdensi. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de poser des mots sur les odeurs? On n'a pas de vocabulaire. Alors, je vais réagir au témoignage qu'on vient d'entendre en disant qu'il y a certaines cultures dans lesquelles c'est tout à fait différent et dans lesquelles il existe un vocabulaire spécifique. Alors, ce sont des cultures qui sont assez anciennes, primitives, et qui utilisent beaucoup les odeurs dans leur quotidien, et donc ont développé un langage spécifique. Donc, pas un langage par analogie, c'est l'odeur de quelque chose, mais des mots qui sont spécialement dédiés au sens de l'olfaction et qui font référence à certaines qualités olfactives. Ça signifierait, Jérôme Golibowski, que plus la société bien s'éloigne justement de ce rapport au corps, à la nature, aux odeurs naturelles, bien plus le langage lui-même s'éloigne de sa faculté à les décrire. Alors effectivement, on est vraiment démuni face à la description des odeurs. Donc comme le disait le reportage précédent, on a plutôt tendance à nommer les odeurs en fonction de la source qui est en train de les émettre. Mais on peut aussi envisager que c'est quelque chose qui est lié à la façon dont l'anatomie du système olfactif est développée. C'est-à-dire que le système olfactif va d'abord directement mobiliser des aires cérébrales associées aux émotions, comme on l'a déjà évoqué, et aussi à la mémoire. C'est-à-dire que globalement, on a tendance à penser que les premières choses qu'on va percevoir lorsqu'on perçoit une odeur, ça va être ce qu'on appelle la valence, le j'aime pas, et puis des aspects autobiographiques, donc plutôt des aspects de la mémoire, avant de commencer à mobiliser des centres de cognition supérieure. Et donc j'ai quand même le sentiment que, de manière générale, le sens de l'odorat, il n'est pas directement équipé pour faire en sorte qu'on puisse communiquer facilement à son sujet. Comment est-ce que vous expliqueriez l'un et l'autre aujourd'hui que les odeurs corporelles soient à ce point-là connotées négativement? C'est vrai, on a tendance à dire naturellement que nous, les humains, en général, on sent mauvais et qu'il faut dissimuler ces odeurs, Jérôme Golibowski. Probablement parce qu'une grande majorité des odeurs corporelles sont perçues avec des valences négatives, c'est-à-dire qu'elles sont perçues comme étant désagréables. C'est généralement des molécules qui sont dans le domaine des soufrés ou des acides. Et là-dessus, il y a à peu près un consensus, même s'il n'est pas parfaitement universel, sur le fait que ces odeurs ne sont pas très agréables. Et donc, naturellement, les odeurs désagréables, on a essayé de les cacher de la même façon qu'on a essayé de cacher tout ce qui n'était pas beau, tout ce qui n'était pas bon. Camille Ferdensi. Oui, et puis il y a eu à un moment donné une espèce de révolution hygiénique au 19e siècle, je crois, qui est très bien décrite par l'historien Alain Corbin dans un livre intitulé « Le miasme et la jonquille » qui est vraiment passionnant, où en fait, voilà, on a associé les odeurs humaines à la maladie, à la saleté, au manque d'hygiène. Et donc ça, je pense que c'est une idée qui, bien sûr, a perduré. Et puis certainement avec aussi une notion de nivellement social, c'est-à-dire que finalement ceux qui ne dissimulaient pas leurs odeurs étaient les plus démunis, les plus pauvres, alors que les gens de la haute société, eux, se recouvraient de parfums, de poudres, avaient les moyens en tout cas de dissimuler ces odeurs, Jérôme Golibiowski. Oui, c'est vrai qu'historiquement, les mauvaises odeurs étaient plutôt associées aux populations les plus pauvres. Et puis, donc, bien évidemment, ces populations les plus pauvres, quand elles ont pu avoir accès à ces aspects de déodorant et à une hygiène plus régulière, on a fini par niveler l'ensemble de la perception olfactive associée aux émissions du corps. On peut peut-être d'ores et déjà en finir et casser une idée préconçue, une idée reçue, Camille Ferdensi, c'est qu'on a toujours tendance, et on pense depuis longtemps finalement que l'odorat humain est pauvre, c'est faux, c'est archi faux. C'est totalement faux, oui. En fait, on a longtemps qualifié l'être humain de microsmat, par opposition à macrosmat. Donc ça, c'était vraiment sur des bases neuro-anatomiques, c'est-à-dire par rapport à des espèces macrosmates comme la souris, par exemple. Dans le cerveau humain, les structures dédiées à l'olfaction sont très petites par rapport à proportionnellement à l'ensemble du cerveau. Alors que chez la souris, par exemple, elles ont un volume, en proportion, un volume beaucoup plus important. Donc, sur la base d'arguments comme ceci, on a dit que l'être humain était un microsmat, donc avec un mauvais sens de l'odorat. Un autre argument aussi, c'est que l'être humain a moins de gènes olfactifs, responsables de la synthèse des récepteurs olfactifs, que chez ces espèces soi-disant macrosmates. On a à peu près, mais Jérôme pourra peut-être rebondir là-dessus, on a à peu près 400 gènes qui sont fonctionnels contre à peu près 1000 chez la souris. Et en fait, de fil en aiguille, les travaux sur l'odorat qui ont été menés ont montré que malgré cela, on a quand même un cerveau avec un lobe frontal qui s'est beaucoup développé au cours de l'évolution. Et donc, on a un système de traitement des informations olfactives qui est très sophistiqué. Et on arrive effectivement à faire un traitement des odeurs tout à fait fin et poussé, mais on aura l'occasion de développer ça par la suite. Bien sûr, Jérôme Golibiowski, justement, expliquez-nous. En fait, c'est tout cet appareillage depuis les récepteurs dans les narines jusqu'au traitement de l'information. Comment ça fonctionne? Expliquez-nous cette mécanique qui est effectivement une mécanique très sophistiquée. Alors effectivement, le sens de l'odorat, donc c'est une des cinq stratégies qui est développée par notre cerveau pour percevoir et communiquer avec son environnement. Et on va en fait directement percevoir les odeurs avec des neurones. En fait, la perception des odeurs, c'est une stratégie pour laquelle le cerveau va sortir des neurones de la boîte crânienne pour directement aller capter son environnement. Donc c'est la seule partie de notre cerveau qui est exposée à l'air libre. Donc bien évidemment, ces neurones, ils sont situés dans le fond de la cavité nasale. Et donc, à la faveur du sniff, les molécules odorantes qui sont émises par la source vont finir par atteindre le mucus olfactif, qui est une sorte de couche de liquide qui va éviter que la muqueuse olfactive se dessèche. Et puis, dans le fond de ce mucus olfactif, baignent les cils de nos neurones olfactifs qui expriment spécifiquement un des 400 récepteurs olfactifs qui sont contrôlés par l'expression des gènes des récepteurs olfactifs qui, comme vous l'avez dit, ça représente entre 3 et 5% du génome humain. C'est énorme. C'est-à-dire que si on doit résumer un être humain à un seul gène, on utiliserait un gène de récepteur olfactif. C'est la famille multigénique la plus grande chez l'homme. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, vous venez de le dire, 400 types de récepteurs de protéines qui communiquent donc avec ces neurones olfactifs. 400 récepteurs, si on compare à l'œil, c'est 3. L'œil, c'est 3, et on se rend compte que déjà avec 3 récepteurs de la vision, on peut faire des choses très impressionnantes. Et donc là, ces 400 récepteurs sont effectivement nous permettent en tout cas de percevoir les odeurs avec une redoutable complexité et subtilité, parce qu'en fait, j'ai tendance à dire que percevoir une odeur, c'est comme percevoir un accord musical sur un piano à 400 touches, parce que ces molécules odorantes, elles vont pouvoir aller adresser quelques-uns parmi les 400 récepteurs olfactifs qui sont exprimés dans nos neurones. Comment ils fonctionnent ? Ce qui est intéressant, c'est que ces récepteurs aussi, ils fonctionnent par une sorte de mécanique de tuilage, hein. C'est-à-dire que certains peuvent être sensibles à la même molécule, en fait, ils se complètent, donc c'est effectivement vraiment cette notion d'accord, de composition en fonction de la molécule qui va être perçue. Alors absolument, on a un mécanisme qu'on appelle de clé-serrure, c'est-à-dire une molécule est une clé, et elle va aller activer certaines des serrures que sont nos récepteurs olfactifs. Mais chacun de ces récepteurs olfactifs peut lui-même être activé par différentes clés. Et donc, il y a un mécanisme qu'on appelle le codage combinatoire de la perception des odeurs qui nous permet virtuellement de percevoir n'importe quelle molécule odorante qui arriverait dans notre muqueuse olfactive parce qu'il y aura toujours quelque part un récepteur qui va être sensible à la molécule qu'on va détecter. J'ai lu, alors je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, j'ai lu que du coup l'être humain pouvait percevoir plus de, selon une étude qui a été révisée nettement à la hausse en 2014, plus de 1000 milliards d'odeurs. Alors oui, ça a été à l'époque, quand cet article est sorti dans Science, il a été considéré comme une des ruptures scientifiques de l'année. C'est d'ailleurs, pour la petite histoire, une étudiante qui a fait ça dans une université américaine, qui ensuite est venue faire sa thèse au laboratoire avec moi. Donc, coucou Caroline, si tu nous écoutes. On la salue et on la félicite. Et donc, effectivement, il y a eu des estimations qui ont été faites de ce nombre. C'est un nombre spectaculairement important. Vous l'imaginez qu'on n'a pas compté le nombre de d'accords olfactifs. C'est en tout cas une estimation qui a été partiellement remise en cause. Donc, en tout cas, l'idée, c'est qu'on capte un nombre très important de molécules odorantes. Et alors, Camille Ferdensi, comment, une fois, donc, on vient de voir comment ça se passe au niveau de la captation de ces odeurs par les récepteurs dans le nez. Comment ça se passe après? Comment ces messages-là sont traduits avec le cerveau? On l'a déjà évoqué, mais tout ça part dans des zones cérébrales qui sont très intimement liées aux émotions et à la mémoire, ce qui fait que, évidemment, on le sait, c'est un poncif, c'est un topos, mais de dire que les odeurs nous rappellent, c'est la fameuse Madeleine de Proust, ça convoque immédiatement des souvenirs et des émotions. Oui, c'est ça. Donc le message olfactif commence au niveau de l'épithélium olfactif, comme l'a dit Jérôme. Donc ces neurones projettent ensuite dans le bulbe olfactif. Le bulbe olfactif, c'est le premier relais cérébral de l'information olfactive. Donc ce sont des petites structures vraiment petites, un demi centimètre cube, qui se trouvent sous le cerveau en fait, et reliées par des sortes de languettes. Et ensuite ces neurones là projettent dans le cortex olfactif, qui est le cortex piriforme. Et donc par rapport aux autres sens, aux autres cortex sensoriels, effectivement, ce cortex piriforme projette directement dans les aires responsables du traitement de l'émotion, comme l'amygdale par exemple, ou des zones impliquées dans la mémoire, comme l'hippocampe. Et puis ensuite, on a des projections aussi sur le cortex orbitofrontal pour tout ce qui est traitement cognitif de haut niveau, identification des odeurs, catégorisation, etc. Mais c'est vrai que les autres sens ont des projections moins directes. Il y a des intermédiaires entre le cortex sensoriel et ces aires des émotions. Ce qui explique probablement pourquoi l'olfaction est un sens si émotionnel et rappelle des souvenirs autobiographique de façon beaucoup plus puissante que des sons ou des images, par exemple. Et on va voir comment tout ça, évidemment, est corrélé à l'évolution et comment ce système-là nous a préparé, dans une certaine mesure, à réagir d'ailleurs assez rapidement à un certain nombre de stimuli. Mais j'aimerais qu'on en vienne à notre sujet du jour, c'est-à-dire les odeurs corporelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment, il y a des zones corporelles qui produisent plus d'odeurs, mais qu'en fait, nous sommes une machine gigantesque à produire des odeurs, Jérôme Golibowski. Alors, c'est vrai, quand on parle d'odeurs corporelles, on a tout de suite tendance à penser aux odeurs axillaires, hein, c'est-à-dire les odeurs sous les bras et les odeurs qui peuvent être directement perçues par le corps. Mais probablement, j'imagine qu'on va l'évoquer. On a aussi les odeurs qui sont contenues dans la laine, c'est-à-dire dans des molécules qui sont exhalées par les individus. Et donc, de manière générale, on émet des bouquets formidablement complexes de ces molécules qui appartiennent à des familles chimiques qui sont très variées. Et puis, effectivement, ces familles chimiques variées, on va pouvoir éventuellement les analyser pour essayer de comprendre nos différences et nos points communs vis-à-vis de ces émissions odorantes. Ce qu'il faut peut-être ajouter avant d'arriver à la production de ces odeurs, peut-être Camille Ferdensi, c'est que nous sommes aussi, l'odorat fonctionne aussi à un niveau inconscient, c'est-à-dire que nous sommes aussi sensibles à un certain nombre d'odeurs sans forcément que ça passe par un état de conscientisation de la perception de ces odeurs. Oui, tout à fait. Et ça fonctionne même, je dirais, majoritairement comme ça. Enfin, surtout pour les odeurs humaines, parce que bon, on parlait des mauvaises odeurs corporelles. Ce sont des composés qui sont très très puissants, très intenses. Mais on a tout un tas d'autres composés qui sont beaucoup plus discrets, subtils, et qui peuvent être perçus de façon tout à fait non consciente. Et on en reparlera peut-être plus tard, mais au niveau des méthodes employées, on peut observer des effets de certaines odeurs corporelles sur le comportement de participants, sans que les participants aient l'impression de sentir quelque chose. Souvent, ils disent « je n'ai rien senti ». Et leur comportement est influencé tout de même. Alors, peut-être, on va battre brèche une autre idée reçue. C'est que la sueur, qui est l'un des véhicules de ces odeurs corporelles, en tant que telle, avant qu'elle ne soit transformée, en fait, elle a très très peu d'odeur, la sueur que l'on produit, Jérôme Golibovski, pardon. Ouais, la sueur qui est générée, c'est majoritairement de l'eau. Et puis, quand même un peu de protéines, un peu de peptides, donc c'est quelque chose qui a priori n'a pas d'odeur directement. L'odeur qu'on va percevoir, c'est la transformation de ces composés par le microbiote bactérien donc qui se trouve sur notre peau et qui va être plus ou moins important à certains endroits du corps. Et c'est donc en fait ce qu'on va sentir, c'est pas directement l'odeur de la personne, mais c'est plutôt l'odeur des bactéries qui vont transformer des molécules pour générer des composés volatiles. Et alors comment ça se passe justement ce procédé? Il y a un certain type de bactéries qui sont particulièrement impliquées dans ces processus de transformation de l'odeur? Oui, il y a typiquement 5-6 types de bactéries assez conservées qu'on va retrouver sur la peau des êtres humains, dans des proportions qui peuvent être différentes, avec des concentrations aussi qui vont être différentes selon l'endroit où on va regarder. Donc justement sous les bras, au niveau du pubis, ou globalement les endroits qui sont plutôt riches en poils, on va avoir des bactéries qui sont plus concentrées. Et ces bactéries, elles ont tendance effectivement à métaboliser un certain nombre de composés pour émettre des composés soufrés ou acides qui vont être responsables de l'odeur. Comment est-ce qu'on explique, Camille Ferdensi, que du coup, alors évidemment, maintenant, évidemment c'est lié au microbiote et qu'on sait que le microbiote de chacun est personnel, est individuel, est une signature propre, que l'odeur de chacun soit individuelle, mais il y a plein d'éléments qui rentrent en composition. Il n'y a pas que le microbiote, il y a une composante génétique, une composante hormonale, tout ça. Est-ce qu'on peut faire un peu le tour justement de tout ce qui va constituer l'individualisation de l'odeur de chaque personne? Alors en fait, l'odeur humaine, elle est produite exclusivement par la transformation de précurseurs par les bactéries. Ce qui va jouer, c'est donc les précurseurs qui sont sécrétés à la surface de la peau. Et on sait effectivement que dans l'odeur humaine, il y a une composante qui est fixe, qui est déterminée génétiquement, qui est fixe et qui fait comme une signature individuelle, en fait. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en évidence, par exemple, par les études sur les jumeaux. Mm-hmm. Donc les vrais jumeaux, les jumeaux homozygotes. Où on a fait sentir l'odeur de jumeaux à des personnes qui ont évalué au niveau perceptif ces odeurs, et on s'est aperçu que même si les jumeaux vivaient dans des environnements différents, donc avec une alimentation différente, etc., ces odeurs étaient vraiment très similaires, quasiment aussi similaires que la répétition de l'odeur d'une même personne, si vous voulez. Si vous présentez deux fois l'odeur de la même personne, c'est tout à fait proche. Et puis, effectivement, il y a une partie de l'odeur humaine qui est variable en fonction de l'environnement, de l'alimentation. On sait par exemple que le fait de consommer de la viande modifie l'odeur et la rend plus désagréable. Le fait de consommer de l'ail également donne une odeur plus agréable. Plus agréable, l'ail. Oui, plus agréable. Oui, oui. Pas dans la laine, mais pas dans la laine, non, mais pas sur dans la peau. Laine, non, on parle de l'odeur axillaire ici, de l'odeur de l'aisselle, puisque c'est la source odorante qui est principalement étudiée encore. Alors que d'autres sources odorantes seraient tout à fait pertinentes à examiner. Vous pensez à quoi, par exemple? Moi, je pense, par exemple, à l'odeur des mains, l'odeur du visage, de la tête. Alors, historiquement, la connaissance de l'odeur humaine, aujourd'hui, elle est quasi exclusivement basée sur des études sur les selles. Parce que on a cherché surtout à comprendre la façon dont les mauvaises odeurs corporelles se forment. De façon, alors c'est surtout des laboratoires de recherche et développement de grands groupes qui ont mis beaucoup d'efforts de recherche dans ce sens afin de comprendre les voies de biosynthèse de ces molécules et de pouvoir les contrer et développer des produits pour les contrer. Oui, allez-y, pardon. Oui, non, je vous en prie. Non, allez-y, continuez. C'est moi qui voulais, je ne veux pas vous interrompre. Et du coup, c'est vrai que on s'intéresse souvent à ces odeurs-là, qui sont aussi très saillantes dans le bouquet olfactif d'une personne. Mais d'autres odeurs plus subtiles, plus faibles, peut-être pas directement consciemment perceptibles, pourraient avoir une influence. Et donc, il y a très très peu de chercheurs qui se sont intéressés à d'autres sources odorantes. Mais on a par exemple une équipe israélienne qui a fait des travaux tout à fait intéressants sur les larmes et sur les mains. Nous on s'intéresse aussi à l'odeur du visage parce que je pense que pour comprendre la fonction des odeurs dans les interactions sociales, il faut d'abord s'intéresser aux comportements et aux odeurs auxquelles on est exposé quand on interagit avec les personnes. Donc c'est pour ça que ce chercheur israélien s'est intéressé à l'odeur des mains. Il a utilisé un protocole où les participants serrent la main de l'expérimentateur et ensuite il observe le comportement de ces personnes. Et il a remarqué que les personnes amenaient la main qui avait serré la main de l'expérimentateur, ils amènent cette main de façon tout à fait non consciente dans la région du nez. Et quelque part, c'est comme une sorte d'échantillonnage olfactif de la personne dont ils viennent de serrer la main. Et pour en revenir à l'odeur du visage, dans l'interaction entre partenaires amoureux, par exemple, je pense que c'est une source d'odeur tout à fait intéressante à considérer, puisque on interagit à proximité du visage, on s'embrasse, etc. Donc c'est une source odorante tout à fait pertinente selon moi. Dans les éléments qui font varier l'odeur, on a évoqué évidemment la nourriture, le microbiote, mais on pourrait parler de l'âge, on pourrait parler des hormones, du sexe, le fait d'être malade. Il y a vraiment un ensemble de paramètres extrêmement importants qui peut faire varier sensiblement ou moins sensiblement l'odeur, Jérôme Golébiowski. Oui, puis on peut surtout évoquer l'état d'anxiété. Donc, en fonction de l'état d'anxiété ou de relaxation, on va avoir des compositions odorantes qui sont a priori différentes parce qu'elles sont détectées justement par des panels contrôle. Et donc, par exemple, on peut être en mesure de détecter l'odeur de personnes agressives versus des personnes qui ne seraient pas agressives. On l'a évoqué tout à l'heure, le côté mère-enfant qui va générer ou qui va activer le système de récompense. Bon, bah là, on peut activer des systèmes d'alerte en fonction de ces états d'anxiété. Et puis, on a aussi des effets sur, par exemple, la période d'ovulation chez les femmes qui pourraient, a priori, aussi être détectées sur la base de l'odeur. Pour dire un dernier mot sur ces bactéries, mais on aura peut-être le temps d'y revenir tout à l'heure. Par exemple, chaque type de bactérie produit un type d'odeur particulier. Par exemple, j'ai lu que les corynébactéries produisaient une odeur plus âcre que les staphylocoques, qui sont moins odorants. C'est vrai, on peut faire un panel, vous avez pas l'air tout à fait convaincu, Jérôme Golibuski. C'est pas une question d'être convaincu, c'est quelque chose que je maîtrise mal. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, chacune de ces bactéries va avoir une signature olfactive qui lui est propre, et que certaines vont avoir des signatures olfactives qui seront plus aversives que d'autres vis-à-vis d'un individu sentant. Oui, Camille Ferdensi. Oui, les corinées bactéries, effectivement, sont responsables de la formation des principaux composés de la mauvaise odeur de sueur. Donc ça fait partie des... Alors, on connaît assez mal les composés de l'odeur humaine, mais ceux-là, on les connaît bien, puisqu'ils ont été beaucoup étudiés. Donc, ce sont des acides, notamment des acides carboxyliques, et puis aussi des composés stéroïdiens qui ont été pas mal étudiés. Et donc, cet ensemble, cette famille de bactéries, les corinées bactéries, sont à l'origine de ces composés-là. Et en fait, il y a plusieurs familles de bactéries qui sont présentes à la surface de la peau, ces corinibactéries, des propionibactéries, des staphylocoques, et en proportion assez différentes selon les individus et selon les sexes aussi. Donc on sait que les hommes, par exemple, ont un profil majoritairement riche en corinibactéries, ce qui n'est pas le cas des femmes, elles ont davantage de staphylocoques. Et ça explique aussi pourquoi l'odeur corporelle masculine est en général plus intense que celle des femmes. L'orange n'est plus amère, le citron n'est plus acide, la pomme n'a plus ce goût vert, tout en bouche m'est insipide, ce qu'il me reste est volatile, tout fermé, laver plus rien, flairé comme un chien débile, le fantôme de ton parfum. Je te sens partout, tout à ton odeur, mais rien n'a de goût depuis ta saveur, non plus rien du tout. Tout à ton odeur d'Alex Baupin sur France Culture à 16h37, puisque c'est exactement ce dont il est question, de l'odeur de l'autre, de l'odeur des autres, de notre propre odeur à nous, de nos odeurs corporelles. Nous en parlons avec Camille Ferdensi, qui est chercheuse au centre de recherche CNRS en neurosciences de Lyon, et avec Jérôme Golibuski, qui est professeur à l'Institut de chimie de Nice, directeur du groupement de recherche odorant, odeur, olfaction au CNRS. Alors, l'odeur corporelle a joué et joue toujours un rôle essentiel dans l'évolution et les relations sociales, mais aussi, on en a parlé brièvement, dans la détection de maladies. C'est dans ce sens qu'une équipe de l'INRA a mis au point des biosenseurs olfactifs. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. On peut même parler de nez artificiel. Oui, j'ai rencontré Edith Pajot, qui est directrice de cette unité de recherche neurobiologie de l'olfaction à l'INRA, une unité qui va malheureusement bientôt fermer ses portes faute de financement, mais avec son équipe, Edith Pajot a eu l'idée il y a des années de mettre au point des biosenseurs olfactifs qui sont des dispositifs hybrides où interagissent plusieurs éléments. Tout d'abord des récepteurs olfactifs qui réagissent à certaines odeurs, même en faible quantité, et ensuite de l'électronique permettant de traiter la réaction de ces récepteurs. L'idée qui sous-tend ces nez artificiels, ces biosenseurs olfactifs, est de permettre la détection, entre autres, de certaines pathologies qui sont discernables grâce aux odeurs. Edith Pajot nous fait donc faire une visite rapide de son laboratoire et nous explique le processus de mise au point d'un biosenseur olfactif. On sait depuis plusieurs années faire des nez électroniques dans lesquels, en fait, on utilise une surface qui est sensible, dont les propriétés physiques ou chimiques sont modifiées en présence de certaines odeurs. Par ailleurs, on sait que les animaux, eux, sont très sensibles aux odeurs, avec des manifestations comportementales en réponse à ces odeurs. Donc en fait, nous, on a eu l'idée de faire des nez bioélectroniques, c'est-à-dire des nez électroniques, mais qui soient des hybrides, en fait, entre la biologie et l'électronique. Donc en utilisant non pas des surfaces sensibles qui n'ont rien à voir avec la biologie, mais les récepteurs olfactifs que les animaux, dont les animaux mais les hommes aussi, ont au fond de leur fosse nasale. Ça, c'est ce que j'appelais l'électrophysiologie. Donc, on a quatre setups, quatre dispositifs. Il y en a un qui doit être là, qu'on utilise en particulier donc, pour suivre la réponse des neurones sensoriels olfactifs sous un flux odorant. Et donc, en fait, on dépose là, sous le microscope, la préparation de neurones dissociés. Ils sont, je dirais, colorés d'une certaine façon. Et puis, on va injecter un flux dessus ces cellules, un flux avec les odeurs cibles qui nous intéressent. Et puis, on va regarder quelles sont les cellules qui réagissent. Donc les cellules, elles sont suffisamment dispersées sur notre lame pour qu'on puisse, une fois qu'elles répondent, aller les prélever, donc avec un capillaire qui est très très très fin, aller les prélever une à une. Donc on fait vraiment du ce qu'on appelle le single cell, du monocellule, hein, pour ensuite faire de la biologie moléculaire sur cellule unique pour savoir quels sont les récepteurs olfactifs, quel est le récepteur olfactif qui est exprimé dans ces cellules. Si on devait décrire cette installation, donc on a une loupe binoculaire. Voilà, et en fait, ce qu'on fait là, c'est de l'imagerie calcique sur des cellules dissociées, et puis on prélève les cellules uniques. Avec justement donc les odeurs, on les injecte sur notre préparation en milieu liquide. Comment on les injecte du coup? C'est juste par ces petits capillaires. Donc là, on n'a même pas de pompe péristaltique, c'est juste avec la gravité quand on ouvre les petits robinets. Ce qu'on peut faire, c'est aller regarder quel est le neurone sensoriel olfactif qui répond, dont la réponse est déclenchée par une odeur, et après, sur cette cellule unique, d'aller étudier, d'aller regarder quel est le récepteur olfactif qui était justement exprimé dans cette cellule. Et à ce moment-là, on extrait, alors par de la biologie moléculaire assez fine, hein, la séquence en ADN de ce récepteur. Et ensuite, en fait, on va la réexprimer dans des systèmes cellulaires qui sont des usines cellulaires pour produire cette protéine à nouveau. Alors à quoi il ressemble ce biosenseur olfactif, ce nez artificiel qui n'est pas un postiche de Cyrano mais qui est... Ce serait comme un stylo avec une cartouche, avec une cartouche à usage unique qui va porter justement les récepteurs olfactifs. Et c'est des éléments qu'on arrive à conserver à froid, à moins 80 degrés, pendant plusieurs mois, s'ils sont collés, disons, greffés sur une surface. À mettre dans un stylo, voilà. Comme pour un alcotest, par exemple. Ouais, et alors qui, lui, contient, je dirais, l'électronique pour faire le traitement des données et puis avoir un affichage d'une réponse. Oui, la réponse, elle est là, ou l'odeur est présente, ou non, l'odeur n'est pas présente. Alors, on y vient, parce qu'on a parlé de ce dispositif-là, ce nez artificiel-là, qui reprend finalement un procédé assez naturel de réaction chimique à une odeur. À quelle odeur corporelle humaine vous vous intéressez ici, et dans quel but, en fait, vous souhaitiez développer ce nez artificiel? Donc là, on essayait déjà de faire une preuve de concept. Donc le premier projet européen, effectivement, il n'y avait pas d'application spéciale envisagée. Dans le deuxième projet européen, on s'est effectivement attaché à deux sortes d'applications. Donc il y avait une application qui concernait déjà la détection de pathologies. Et là, alors on travaillait aussi avec un hôpital donc en Espagne, à Barcelone, qui essayait d'identifier des odeurs dans l'urine de patients. Donc la pathologie la ciblée, c'était cancer de la prostate. Notre boulot, c'était de chercher quels étaient les récepteurs olfactifs pertinents pour détecter cette ou ces odeurs. Alors, pour qu'on comprenne bien comment on va cibler à un degré aussi fin une réaction à une odeur particulière qui peut nous mettre sur la piste d'une pathologie. Alors, la piste de la pathologie, pour la première question, c'est on veut étudier telle pathologie, donc les médecins posent la question, c'est déjà à eux d'identifier quelle est l'odeur qui est à cibler. Donc pour ça, il faut faire des études d'odeur soit dans l'urine, soit dans le sang ou dans la laine. Et pour ça, c'est des études chimiques, je dirais. À partir d'un odorant, plusieurs odorants, mais d'un odorant sélectionné, après, effectivement, c'est les chercheurs en laboratoire qui prennent le relais. Et là, on peut aller voir, en tout cas, c'était notre approche, aller voir à partir donc, de nos modèles animaux, quels sont les neurones qui répondent, quels récepteurs olfactifs ils ont dans le ventre, et puis extraire la séquence, et puis produire ces récepteurs olfactifs et les utiliser dans nos dispositifs. Voilà le reportage du jour sur ces biosenseurs olfactifs, une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Camille Ferdensi. Oui, alors ces outils qui se développent énormément actuellement, que sont les nez électroniques, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de faire des dépistages précoces de maladies et donc avant même qu'il y ait d'autres symptômes que juste un changement d'odeur en fait. Et donc ça permettrait d'entamer une procédure thérapeutique de façon extrêmement précoce. Donc je pense que c'est des techniques qui sont vraiment prometteuses. Et ça fait écho à ce qu'on peut... Moi je connais davantage tout ce qui est du domaine perceptif. Donc, on a des études dans le domaine de la psychologie, des neurosciences comportementales qui montrent qu'effectivement, il y a des différences, des modifications dans le profil olfactif qui se produisent quand il y a une maladie. Et ce sont des différences... qui sont subtiles mais qui sont détectables à la fois par les nez électroniques, mais aussi donc vous avez sans doute entendu parler de chiens détecteurs de maladies également. Tout à fait. Mais les humains eux-mêmes sont capables de détecter la présence de maladies sur la base de l'odeur corporelle. Mais inconsciemment. Ou consciemment. Inconsciemment, tout à fait, oui. Donc, il y a une étude, par exemple, de chercheurs suédois qui induit une infection chez ses participants avec injection d'une toxine et qui prélève les odeurs corporelles sur ces personnes et les compare avec des odeurs de personnes, les mêmes personnes dans un état sain. Et donc les nez humains qui vont sentir ces échantillons d'odeur vont évaluer l'odeur des personnes malades comme étant plus désagréable. Et on a aussi un parallèle au niveau des activations cérébrales où on va avoir activation du réseau cérébral olfactif qui va être plus intense en réponse à ces odeurs de personnes malades. On peut dire un mot du protocole K-Dog qui avait été mis en place par l'Institut Curie et qui, avec des bergers malinois, permettait de reconnaître à 100% ou de dépister des cancers du sein précoces chez une cohorte de femmes. Un mot sur ces dépistages précoces, toute cette technologie qui est en train de se mettre en route, que ce soit avec des chiens ou que ce soit avec des nez artificiels. Ouais, pour revenir sur les nez artificiels, c'est un magnifique exemple de la bio-inspiration dans lesquelles on va essayer de mimer le mécanisme de la perception des odeurs, soit des mammifères, soit des insectes, hein, parce qu'il est sensiblement équivalent, en utilisant justement ce fameux code combinatoire pour être capable d'aller discriminer des différences extrêmement subtiles dans un bouquet très complexe de composés odorants. Et puis tout à l'heure, vous évoquiez qu'il y a une perception inconsciente qui peut être faite par l'homme, mais il y a aussi dans des cas assez faciles, des perceptions parfaitement conscientes. Si vous prenez le courage d'aller sentir l'urine d'un diabétique, il y aura une odeur assez sucrée, assez clairement perceptible, qui avait déjà été reconnue par des médecins musulmans à l'époque de notre Moyen-Âge. Donc c'est déjà des choses qui ont été étudiées depuis très longtemps par les médecins, par le corps biomédical, pour avoir une première idée d'un diagnostic. On parle de cancer, mais il y a des expériences et des études qui sont en cours sur des maladies aussi diverses que des maladies de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Il pourrait y avoir des pistes intéressantes dans ce domaine-là. Je ne sais pas qui veut répondre à ça, Camille Ferdensi. Oui, effectivement, apparemment, les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, les scléroses en plaques aussi, pourraient être détectées sur la base de l'odeur humaine. Donc c'est l'utilisation de ces biotechnologies est tout à fait pertinente dans ce contexte-là. J'aimerais qu'on dise un mot peut-être aujourd'hui de ce que l'on sait ou de ce que l'on imagine du rôle initial de ces odeurs corporelles et de la façon dont elles ont été conservées par l'évolution. On a entendu hein, toutes les, il y a évidemment tout ce qui concerne l'attirance, la reproduction, la sensibilité aux différentes phases menstruelles chez la femme, mais aujourd'hui on sait s'il y a une sorte de rôle aposématique de l'olfaction, Jérôme Golabiuski. Alors, la notion de conservation, elle est effectivement probablement liée au fait que le génome est conservé, puisque finalement on a toujours le même génome que nos ancêtres. Hein, le génome est très très longtemps à évoluer, et donc à cet égard, on imagine que les bouquets olfactifs restent sensiblement les mêmes. Et puis, peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, c'est la fameuse ou la potentielle phéromone humaine, qui serait a priori quelque chose qu'on est toujours en train de rechercher, parce que c'est quelque chose qu'on essaye de comparer par rapport au comportement des animaux, sur lesquels il y a vraiment des composés phéromonaux qui sont clairement identifiés et dont l'effet est aussi parfaitement mesurable. Et donc là aussi, on cherche, c'est par exemple le cas. Il y a eu un grand fantasme autour de l'androsténone, oui. Donc qui est un dérivé, qui est un dérivé de la DHEA, la fameuse hormone un peu de jouvence qui défraie un peu la chronique. Et donc cette androsténone, elle a été une candidate potentielle de phéromone sexuelle humaine pendant un moment, parce qu'il s'avère que c'est la phéromone sexuelle du porc et que dans la transpiration axillaire humaine, on retrouve cette molécule. Et donc on a longtemps imaginé que en fait si c'était quelque chose qui pouvait éventuellement jouer le rôle de phéromone sexuelle chez l'homme. Les résultats ont été publiés, contredits, retestés. Ça reste assez délicat à évaluer, mais en tout cas il y a une vraie recherche qui se fait autour de ça. Tout à l'heure, vous évoquiez les endroits où on pourrait justement aussi rechercher des odeurs caractéristiques. Là, il s'avère, on imagine, ou en tout cas les experts qui travaillent dans ce domaine, imaginent qu'il faudrait plutôt aller faire des tests olfactifs au niveau du pubis, ou en tout cas des zones qui sont directement reliées à l'acte sexuel. Et d'un point de vue éthique, c'est un peu plus délicat. Comment se fait-il, Camille Ferdensi, qu'il reste un doute, ou en tout cas qu'on n'ait pas pu attester de l'existence ou non, justement, de ces phéromones humaines? Alors je pense que c'est parce que il y a eu une sorte de biais dans la façon dont ça a été étudié. En fait, pour pouvoir mettre en évidence l'existence d'une phéromone, il faut d'abord regarder un comportement et ensuite essayer de relier ce comportement à une substance qu'on pourrait qualifier de phéromone et qui remplirait un certain nombre de critères. Et en fait, chez l'homme, alors chez l'animal, les phéromones ont été mises en évidence chez l'insecte, aussi chez certains mammifères. Quelques-uns. Par exemple ? Ils sont peu nombreux. Par exemple, chez le lapin, la phéromone mammaire du lapin. Donc, la phéromone, c'est une substance qui est émise par un individu d'une espèce et qui est perçue par un autre individu chez qui cette substance va déclencher une réponse tout à fait spécifique, une réponse comportementale spécifique ou un processus développemental. Et par exemple, la phéromone mammaire du lapin est un excellent exemple de ça. Donc c'est une substance qui est émise dans le lait de la lapine. Et si vous décomposez ce lait à l'aide d'une chromatographie en phase gazeuse, par exemple, qui laisse, c'est une colonne qui, par chauffage, va laisser sortir un par un les composés qui la constituent, et que vous mettez à l'autre bout, donc on appelle ça la chromatographie couplée à l'olfactométrie. Donc l'olfactométrie, vous mettez en sortie de la colonne de chromatographie un nez, donc en l'occurrence le nez d'un lapro, et vous regardez son comportement en réponse à chacun des composés qui sortent de la colonne. Et ce que les chercheurs, donc c'est une équipe dijonnaise qui a mis ça en évidence, ce qu'ils ont observé, c'est que pour une molécule bien spécifique, quasiment la totalité des lapros exprime le même comportement qui est un comportement stéréotypé de bouger la tête, ouvrir la bouche et un comportement de préhension comme s'il voulait téter la mamelle. C'est un exemple de phéromone chez les mammifères. La différence entre les mécanismes que l'on décrit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire notre réaction à nous, êtres humains, aux hormones et les phéromones, c'est qu'il y aurait finalement dans la phéromone, si elle existait, une sorte de déterminisme bio-hormonal, peut-être un peu délicat à décrire scientifiquement. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérôme Golébiowski? Oui, c'est vrai que on attend des comportements stéréotypés à la faveur du sniff d'une phéromone, et on imagine que l'être humain est suffisamment ou probablement bien trop complexe pour réagir de manière très très stéréotypique à certains stimuli, plus particulièrement olfactifs. Donc on peut imaginer que ça joue un rôle, mais que globalement ça va participer plutôt d'un message beaucoup plus complexe associé à la vision, l'olfaction, l'audition, pourquoi pas le toucher, et que donc bien évidemment c'est extrêmement délicat de réussir à décomposer ce signal uniquement sur une base olfactive. À ce propos, il y a des études qui avaient été menées notamment sur les questions entre homo et hétérosexualité, et où on a fait des études. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Est-ce que, alors sans chercher à donner d'explications, en tout cas, on trouve des comportements d'attirance vers des odeurs du propre sexe qui sont similaires à celles des comportements d'attirance d'un sexe pour l'autre dans le cas de l'hétérosexualité. C'est vrai qu'il y a eu quelques articles qui sont sortis sur, là encore, l'identification de potentiels phéromones associés ou en tout cas qui seraient plus favorablement perçus par ou les femmes hétérosexuelles ou les hommes homosexuels lorsqu'on leur fait sentir la potentielle phéromone humaine. C'est des statistiques qui restent encore à confirmer. C'est généralement fait sur des panels qui sont petits, sur lesquels on peut envisager qu'il puisse y avoir des biais scientifiques. Donc en tout cas, c'est des pistes de recherche intéressantes, mais qui restent à être approfondies. Un dernier mot pour conclure. On le disait au début, aujourd'hui, l'hygiène, les parfums, les déodorants, on couvre au maximum nos odeurs corporelles. Est-ce que, comme le constate une autre étude, Camille Ferdensi, nous sommes en train d'être touchés collectivement par une forme d'anosmie sélective, c'est-à-dire une forme de perte de l'odorat ou de sensibilité à ces odeurs corporelles? Alors, c'est mon avis personnel, mais je ne pense pas. Parce qu'en fait, oui, il y a une utilisation de produits parfumés et des odorants, déodorants, désodorisants assez importante. Mais le fait est qu'on ne peut pas masquer ces odeurs naturelles tout le temps. On ne peut pas les masquer complètement non plus. Donc, ce qu'on va rencontrer dans la vie quotidienne, ce sont souvent un mélange de l'odeur naturelle et l'odeur cosmétique, on va dire. Mais l'odeur naturelle est toujours là. Et il y a maintenant quelques recherches sur l'interaction entre le parfum et l'odeur naturelle qui montrent que, bon, dans certains cas, le fait de surajouter un parfum à notre odeur naturelle va masquer certaines informations qui sont dans l'odeur corporelle, comme par exemple on aura plus de mal à évaluer la personnalité si l'odeur est masquée par un parfum. Mais d'autres études montrent aussi, et ça c'est vraiment très intéressant, que le choix d'un parfum est certainement tout à fait complémentaire à l'odeur corporelle. C'est-à-dire qu'on va finalement conserver son individualité en faisant un choix de parfum qui serait adapté à notre propre odeur. C'est des études, par exemple, qui travaillent sur la discrimination entre des individus, la capacité à discriminer sur la base des odeurs des individus, et qui montrent que on est toujours capable de discriminer de la même façon les individus s'ils sont porteurs d'un parfum. Jérôme Golébiowski, en un mot. Mais surtout, surtout si ce parfum a été choisi par les personnes, ça c'est très important. Si c'est un parfum imposé, ça fonctionne pas. Je voudrais juste ajouter qu'on se parfume aussi pour soi, c'est-à-dire parce que le fait d'émettre des odeurs corporelles potentiellement nauséabondes pour son interlocuteur, c'est très anxiogène. Et donc en fait, ces parfums, on les utilise surtout pour se rassurer, enfin aussi pour se rassurer, pas que pour plaire à l'autre. Donc vous n'êtes pas obligé d'arrêter tous collectivement le déodorant dès la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jérôme Golébiowski, merci Camille Ferdensi, merci à nos camarades de Radio France du bureau de Lyon pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Alex Dang aujourd'hui à la technique. Demain, nous allons vers tout autre chose, tout au cœur, au centre de la matière. Nous allons remonter jusqu'à la particule la plus élémentaire. Nous vous parlerons du quark demain à 7h, jusqu'à preuve du contraire.